I'm pain, pain, pain. It's alive! Au Moyen Âge, il y avait énormément de choses que l'homme devait redouter. En débutant par une gouvernance despotique, mourir jeune, que ce soit en tant que paysan, noble ou combattant, vivre dans des conditions misérables et voire exécrables, mourir de faim, se faire condamner à l'emprisonnement ou à la peine capitale pour tout et rien, mais aussi la terrible infection qu'était la peste. Cette maladie qui aura fait d'énormes ravages au fil de ces siècles sombres, aujourd'hui la peste est pratiquement éradiquée. Et je dis pratiquement parce qu'il est certain que dans certains laboratoires, qu'elle soit conservée pour quelconque application destructrice. Mais encore au-delà de cette préservation, la peste est bien présente ici même, puisqu'elle était dissociable à cet ignoble gobelin, qui est celui qui revient ce soir à Réanimation afin de donner un coup de main à son bon docteur. Car oui, c'est le retour de Sinistros! T'es chanceux, toi. Et quoi de mieux que de revenir en début d'année pour présenter le survol métal de l'année 2017, soit la traditionnelle Retro Undead. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, et encore pire d'avoir son assistant, parce qu'il devrait se refaire la main avec le scalpel, et que moi, je rirais bien de ses erreurs. Sur vous! Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we said so. Go! We'll be right back. Je souhaite pas la bienvenue en cette première édition 16 janvier de l'an de disgrâce 2018 de réanimation The Undead Incorporated Show. Et tant qu'à le faire, on le fait en grand parce que c'est le retour de mon vieux pote Sinistros. Bien le bonsoir à toute la gang de réanimation. T'as l'air pas mal Jean-Nicole, toi là. Ah, c'est très bien. Mais je suis déjà tanné, fait que on s'en reverra une autre fois. Salut! Sinistros, le retour de ce pestilentiel gobelin après combien d'années? Ben, c'est quasiment 4 ans, finalement. Ouais, hein? J'avais terminé mon super mandat dans ton laboratoire en fin janvier 2014, si je me trompe. Oui, c'est fort possible. Je suis revenu une couple de fois, mais comme artiste invité. Oui. Ben, je suis vraiment content que tu moi aussi, c'était le fun, puis ça vaut le 50 minutes aller et oui, revenir. Oui, parce qu'il faut savoir que Sinistro, ça tape le chemin entre Drummondville puis Trois-Rivières, aller-retour pour se faire. Je fais un lutin de l'enfer de moi-même. Ben oui, tout à fait, effectivement. C'était le cas des lutins de l'enfer qui étaient de Drummondville aussi, la ville la plus drôle du Québec. Ah, ça, c'est confirmé. Oui, un Drummondvillois ici, maintenant, oui, convaincu. Je me trouve très drôle, maintenant. Ça, c'est pas peu réciproque, mais bon. Écoute, juste te dire, mon cher ami, qu'il y a quelqu'un aussi qui veut te souhaiter la bienvenue. Moi aussi. Très gentil. Il s'est ennuyé, c'est vrai. Horace. Non, mais hein, il est-tu gentil quand même, Horace? Ben oui. Il y en avait long à dire. Ben, écoute, ton retour marque le retour de réanimation en 2018. C'est la première, comme je l'ai dit. Ben, c'est tellement drôle, c'est que la première était censée être la semaine dernière. Oui. J'ai réussi à foutre le bordel même avant de rentrer à l'émission. Oui, effectivement, t'as raison que le début de le retour de réanimation devait être mardi dernier, le 9 janvier, pour débuter cette rétro Undead, cette rétrospective de 2017. Mais malheureusement, par osmose, il m'a communiqué la peste. C'est cela. Oui. Mais je dois dire que finalement, la peste est un peu agréable. Hein? Oui. T'as la paix. Les gens veulent pas venir te voir. Ils t'achètent plus. Donc, c'est la première partie de la Retro Undead 2017, c'est-à-dire les choix respectifs de Sinistros, les miens. On en a en commun, on en a des différents pour se compléter. Édition Retro Undead 2017 qui va se commettre sur, je dirais, au moins 3 émissions. Oh, sûrement, oui, effectivement. Oui. On avait respectivement s'était mis d'accord pour choisir d'une certaine façon l'essentiel un peu, parce que avec tes 150 choix, ton top 150. Oui, c'est sûr que dans le top 150, il y avait certains groupes qui cadraient pas tellement avec réanimation. Fait que j'ai dû refaire un top pour réanimation. Oui. Puis là-dedans, y aller par élimination aussi. Donc, pas mettre t'sais, nos choix, pas les mettre en doublon. Oui, c'est sûr. Fait que dans le fond, j'ai joué un peu, là, j'ai un petit peu triché, mais t'sais, j'aurais pu faire un top 6 finalement. Là, t'sais, Ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'effectivement, avec Hurlement, toi, tu couvres très large le spectre musical. Ben, c'est ça. Donc, tu vas autant. En même temps, j'y vais avec des notes qui varient entre, mettons, 0 sur 10 à aller jusqu'à 9.5. Ça change pour 2018. Mais, tu sais, des 9.5, il y en a eu, mettons, 6 ou 7. Okay. Donc, ils étaient tous à première place, ces albums-là. Mm-hmm. Des 9 sur 10, il y en a peut-être bien eu une vingtaine. Donc, ça se retrouve à deuxième place. Okay. Ben, tu sais, c'est assez difficile de faire comme un choix. Où est-ce que je vais mettre en première, en deuxième, en troisième? Fait que pour 2018, j'y vais avec des notes plus pointues. OK. Fait que donc, c'est sur 5. Qu'est-ce que tu veux dire par notes plus pointues? Ben, à la place d'arrondir au point 5. OK, tu vas être, exemple, un 8,6. Ben, c'est ça, mais okay. ça y va selon une moyenne avec 5 critères. Il y a la composition, la production, l'originalité. Il y en a deux autres là, okay. que je me souviens plus par cœur. La qualité du plastique du c'est en plein ça. Ouais. Fait que chaque item est sur 10, obtient une note sur 10. Ouais, t'as avec développé tout un système assez. Ben oui, mais tu sais, c'est parce que je me suis fait un beau tableau Excel, puis tout se fait tout seul. Là, fait que je sais exactement, bon, production, mettons, bon, 7 sur 10. Et sûr et certain qu'il y a des groupes qui vont peut-être mériter 1 sur 10. Ouais. La production. Tu vas faire une moyenne de tout ça. Ben c'est ça, c'est okay. ça. Fait que la moyenne, elle va donner, bon, mettons, 8.8 sur 10. Fait que ça va être un peu plus facile de faire des. Un top, mettons, là, tu sais, ouais, ben qui va plus se tenir. Là. C'est pas mal plate, ça. Oui, je sais. Non, c'est vouloir se casser la tête, pauvre petit gars. Ben, c'est pas un cassage de tête. Ben, mais non, je sais. C'est que j'adore, ça. Oui, définitivement. Ben, t'aimes me casser la tête aussi. Oui, c'est pour ça que je suis revenu. Mm-hmm. Pourquoi j'ai accepté, moi? Je sais pas. Je me le demande vraiment, franchement. Oui. Sinistros, la première pièce qu'on a eue dans ce premier bloc, t'appartenait, c'était un de tes choix. Bien, comme vous me connaissez, j'adore explorer des nouvelles avenues et des, des pays un petit peu bizarroïdes sur le côté oui, métallique. Un groupe de Chine. Fait que ça, il n'y en a pas des tonnes. Puis j'ai dit pourquoi pas, ça valait vraiment cool parce que j'avais lu sur le groupe qui utilisait certains instruments ancestraux. Okay. Fait que quand j'entends ça, c'est du gros black, là. Ça bûche dans le tapis, puis c'est très bien fait, très bien produit. Fait que oui, il s'est retrouvé dans les peut-être les 10 premières positions du top 150. C'est Ritual Day avec la pièce Cursed Land qui est parue sur l'album Devila Granta. Mm-hmm. Et c'est ça. Façon indépendante d'ailleurs. Oui, façon indépendante, c'est cela. Le deuxième choix, eh bien, c'était un de mes choix, c'était le... Je vais vous le dire exactement, là, parce que je me suis fait une belle petite légende de couleur que j'ai peine à voir avec cet éclairage de laboratoire qui est plus... Ouf. Allez. T'as-tu besoin d'aide ou de lunettes? J'en ai déjà. OK. De l'aide, je veux pas d'aide, j'en veux non, pas de toi. Ouais. Non. Voilà. C'était ma 10e position de mon top 10 parce que, bon, à mon tour aussi, je vais expliquer un peu, comme vous avez peut-être pu le constater sur le site de réanimation, AD.com. J'ai un top 10 et j'ai un top 10 mentions, c'est-à-dire 10 albums qui ont été pour moi les plus marquants dans l'année 2017. Et j'ai aussi une deuxième section de 10 albums que je voulais mentionner, qui méritaient d'être mentionnés. Et je parle ça c'est la 10e position de mon top 10, Sepultura, formation de Sao Paulo au Brésil, et la pièce Resident Parasite, qui est tirée de leur 14e album, Machine Messiah, qui est paru le 13 janvier 2017, donc il y a une année et trois jours aujourd'hui. Tout ça, c'est un album que j'ai fait comme tous les autres albums de Sepultura, c'est-à-dire je l'ai pas écouté. Ah, ben écoute, sais-tu quoi? Je vais être très, très franc avec toi. J'aurais probablement eu le même réflexe que toi. Parce qu'il y a des années que j'ai abandonné de suivre Sepultura pour des raisons qui sont purement un désintéressement. Par contre, Rockmaster m'avait dit, écoute, ça vaut la peine que tu fasses le détour parce qu'il est bon, cet album-là. Et venant de la part d'Alain, au niveau de ce genre de métal-là, je me suis dit, mais probablement que c'est vrai. Je l'ai écouté, j'ai trouvé vraiment bon. Il est vraiment bon et je te le conseille. Ben d'accord. Il fait il est très puissant, l'album. Très, très puissant. Et on avait un choix en commun qui était la clôture de ce premier bloc, qui était Dope Lord, formation qui vient de Pologne, de Lublin. Formation qui donne dans un stoner doom. Mettons, ils sont très laids, ces gars-là, d'ailleurs, hein, tu les as vus. Ils sont vraiment laids. Hein? Oui, ils sont vraiment pas beaux. Oui, oui, tout à fait. En fait, ils affichent vraiment pas ce qu'ils font. Formation que j'ai découvert grâce à une des chroniques de Sinistro sur le mort. Ben, c'est un album qui a vraiment frappé en début d'année. Oui. Tout à fait, qui est paru il y a un an aujourd'hui même. Puis je trippe pas mal Doom Stoner depuis déjà quelques années, puis ça m'interpellait beaucoup. Oui. Justement, il y a un autre groupe que je vais probablement parler au cours des prochaines émissions qui vient de sortir un album avec des membres de Dope Lord. OK. C'est vraiment capoté. Là. Ah, super, merveilleux. Comme je le disais, c'était un choix en commun. C'était la pièce Scum Priest qui est tirée de Children of Haze. C'est leur troisième album qui est paru, comme je le disais, il y a un an aujourd'hui, soit 16 janvier dernier, sur Green Plague. Et c'était mon numéro 5 mention. On va poursuivre musicalement avec... on va aller en pub avant, par contre, mais après ça, après cette pause publicitaire-là, on va y aller avec un choix du Sinistre Gobelin, une formation qui porte le nom d'Abarim. On va y aller avec deux choix communs, soit Beheaded et Hour of Penance. Tout de suite après cette pause publicitaire. Let's go! C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Avez-vous envie de découvrir de la musique canadienne? Venez assouer votre soif d'émergence avec nous, Oriane Clavet et Liliane Flynn, les pas sortables, tous les mardis de 16h à 17h sur les ondes de Cfou 89.1 FM. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! C'est Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus. C'est fou, 89.1. 19h47 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show en compagnie de Sinistrose, le pestilentiel gobelin qui est de retour ce soir, et de moi-même, votre bon docteur Pain Pendragon. Mon cher Sinistrose, deux choix en commun, n'est-ce pas? Ben oui, gardons ça, toi. La musique du diable. Du diablotin, même. Oui. Oui, je te laisse l'honneur. Ben, on a commencé avec une pièce un petit peu spécial d'un groupe assez spécial, Aborim. Que je ne connaissais pas du tout. Qui fait dans une espèce de industriel, un peu à saveur alternative, très black metal par bout. Moi, je tombe en amour avec ça. Tu sais, les sonorités, c'est complètement capoté. Ça a toujours été un peu insignifiant aussi. Je sais. Ça va bien, par contre. Je m'assume. une autre... très belle surprise pour moi en 2017. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore les sonorités un petit peu bizarres. Là. Ben ça en fait général, tu aimes les choses bizarres, point. C'est vrai. Oui. Effectivement. Je m'assume aussi. Ouais. C'était la pièce Unpleasantness qui est parue sur Shifting Negative sur le label Agonia Records. Oui. Deux choix que nous avions en commun, effectivement, soit cette deuxième pièce qui était The Beheaded, une formation qui vient de Malte, et la pièce titre de ce cinquième album, Beast Incarnate, qui est paru le 27 janvier dernier sur Unique Leader. Quel excellent album. Oh, ça rentre. C'est aussi c'est à la hauteur du précédent puis de l'autre avant. Ah, définitivement. Moi, cet album-là, j'ai beaucoup aimé. C'est ma quatrième position de mon top 10. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais depuis... Non, ben ça, je savais. Mais pourquoi je pose la question? Imbécile, suis-je? Depuis un certain nombre d'années, je trouve que l'Italie est un excellent bassin de death metal. Oui. L'Italie est un pays où ce que le métal s'est développé énormément. Pas rien que le métal, la musique underground aussi, tu sais, quand tu tombes dans le gothic rock ou le post-punk ou des gus de... Il y a des bands qui sortent de là... Je sais pas ce qui se passe là. Ben écoute, moi en tout cas, j'ai remarqué que pour le death metal, là, c'est incroyable. C'est technique, puis c'est original. Ça rentre, c'est ça, bon, c'est bien fait. Quand tu vois des groupes comme Aid ou... Absolument. On parle ici de Hour of Penance, qui est mon choix numéro 7 dans mon top 10. Une formation qui vient de Rome, en Italie bien sûr. Nous avions la pièce The Chains of Misdeed, qui est tirée de Cast the First Stone, qui est paru leur septième album, qui est paru le 27 janvier également de l'an dernier sur Prosthetic. Quelle bonne formation. Ouais. Tu sais, c'est hyper technique, mais tu tombes pas dans le superflu. Là, non, ça reste très... comment je pourrais dire? Des côtés très mélodiques, des côtés très... Et c'est drôle que tu dises ça, parce que j'avais une discussion avec quelqu'un au niveau du death metal, bien sûr, puis il me disait, je comprends rien, il n'y a pas de mélodie. Non, il y en a. C'est juste qu'il faut se former l'oreille. C'est ça. Voilà. C'est ça, tu sais, bon. Donc, c'était, comme je disais, la septième position que j'avais retenue. Toi, c'était quelle position, Hour of Penance? Hour of Penance, je ne l'ai pas écrit dans mon truc, mais je peux regarder ça qui est loin, il me semble. Il est loin? Oui, ben c'est parce que, comme je vous expliquais tantôt, c'est à cause de mes super notes. 27e position, mais il pourrait être en deuxième. Ben, 27e position sur 150, c'est pas si vilain que ça. Là. Ben, c'est pas vilain, mais c'est comme je te dis, c'était un 9 sur 10, puis j'ai peut-être bien une vingtaine de 9 sur 10, donc sont en deuxième position. Ben, ouais, certaines façons. Il a juste fallu que je choisisse, j'aurais pu laisser faire des positions, tu sais. OK. Ouais, il y a certaines marqué positions. 1, 2, 3. Il y a certaines positions à ton âge que tu devrais éviter. C'est plus difficile pour le dos, je t'avouerai. Mais j'ai été un peu déçu. J'ai acheté le vinyle de Cast the First Stone d'Hour of Penance, puis j'ai été déçu quand je l'ai ouvert. D'après moi, le vinyle était passé date, il était vert. Il avait plein de taches dessus. Oui. J'ai dit, écoute, on sait quoi l'idée de faire un disque en mangeant du spaghetti? Ben, moi, j'en achète une Bottle Surfers très récemment, mais il a rétréci. Il a 10 pouces, ça. Ben, à 10 pouces, t'as plus de chances d'aller rentrer dans le lecteur laser. Oui. Effectivement. Écoute, je fais un petit encore au niveau de mes coups de cœur, au niveau des séries télévisées, parce que on en discutait à Ron, Sinistros et moi. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes au niveau des séries qu'au niveau du cinéma depuis un bout de temps. Hein? Ben, dans mon cas, c'est ça. Moi, c'est ça aussi, définitivement. Oh. Tu sais, je me souviens pas, à part Star Wars, puis à part Blade Runner, puis à part, tu sais, des grosses productions de genre, je me souviens pas m'être arrêté pour écouter un film. Ben, moi, il y en a quelques-uns. Ça va faire office probablement de la chronique qui va être plus la semaine prochaine. Mais il y en a quelques-uns, mais ils sont vraiment en minorité par rapport aux séries. Je vais commencer avec le numéro 1 de série télévisée. Ben, c'est Game of Thrones, la septième saison, production d'HBO, qui a débuté le 16 juillet dernier. Écoute, c'est Game of Thrones. C'est Game of Thrones. C'est tout simplement bon. Ma deuxième position, puis je pense que tu vas peut-être être d'accord avec moi, c'est Gotham. C'est, ben, dans moi, c'est sûr et certain que mon petit côté paresseux a fait que je suis encore bloqué à la troisième saison en français. J'attends toujours les épisodes, mais je me suis mis un point de mire et une grosse résolution 2018. C'est me mettre à jour puis m'embarquer pas mal plus dans des séries en anglais. Ah, ben c'est sûr génial. Et certain qu'avec mon nouveau travail, l'anglais va être de mise énormément cette année. Oui. Fait qu'on va se lancer là-dedans. Je vais revenir à jour éventuellement. Ah, mais écoute, c'est Gotham en original, version originale, c'est génial. Moi, c'est le pingouin. Ah, quel personnage extraordinaire. Ils ont tous un petit quelque chose, mais la finesse avec laquelle c'est très bien joué. C'est 22-23 épisodes par saison, puis ça paraît pas. Non, ça paraît pas. Je pense que c'est une des premières séries qui a échappé à ma théorie des 24 épisodes. Oui, je me rappelle l'avoir entendu. C'est... Donc, t'en as pas juste 13 qui sont bonnes, puis 13 de remplissage. Là, c'est tout bon. Là, tout c'est... bon, effectivement. Ouais. Elle a débuté le 21 septembre dernier. Numéro 3, écoute, j'aurais pu la mettre quasiment avec Seco avec la numéro 2, c'est The Punisher. Écœurant. Saison 1, c'est qui est une production de Netflix. C'était vraiment génial. Le début était le 17 novembre dernier et la saison 2 est confirmée. Donc, youhou! Numéro 4, The Walking Dead, saison 8, partie 1, parce que tu sais que maintenant, ces productions-là prennent un break avant les fêtes et reprennent seulement au mois de février. Juste pour écœurer. Juste pour écœurer, effectivement, tu l'as bien dit. Donc, j'ai écouté la première partie de The Walking Dead qui m'a réconcilié parce que la saison 7, je l'avais trouvé comme pas mal ordinaire. J'ai cessé au dernier épisode de la saison 6. Puis j'ai mis un X sur la série. Écoute, je te l'ai dit en onde, la saison 7, moi personnellement, je l'ai trouvée comme assez moyenne, assez langoureuse et assez frustrante même. C'est cet effet-là que la sixième avait donné. Il me semble que c'est de plus en plus lent. Puis il se passe plus rien. Puis c'est comme. La huitième, on nous rachète ça. Okay. On nous la ramène. En tout cas, la première partie, je te dirais. Vraiment très bon. Très bon. Numéro 5, Better Call Saul, saison 3. Eh bien, oui. c'est génial. Quel personnage. Mais bien sûr. Quel personnage. C'est une production d'AMC et ça débutait le 10 avril dernier. Numéro 6, Viking, saison 4. Vraiment une très bonne saison pour Viking. Effectivement. J'ai hâte d'écouter la saison 5. Là. Moi aussi, vachement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 4 avait débuté en 2016, mais se terminait le 1er février 2017. Donc, je l'ai embarqué. J'ai eu la chance, moi, d'écouter Viking en retard. Fait que je me suis lancé saison 1 à 4 au complet dans deux semaines. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est la beauté de la chose. C'est le personnage de Flocky. c'est pas mal mon préféré. C'est le Ronald McDonald de Viking. Ouais, il est vraiment bien. En position numéro 7, c'est Lucifer, la saison 2 et 3. J'ai pas écouté ça. C'est une comédie fantastique policière, mais juste pour Tom Ellis, le personnage principal qui interprète Lucifer Morningstar, ça vaut le détour. Il est extraordinairement coloré, ce personnage-là. Il est vraiment cool. Donc, j'ai dit la saison 2 et 3 parce que la saison 2 a débuté en 2016, mais c'est terminé en 2017. Et la saison 3 a débuté en 2017 pour la première partie, se terminera en 2018. C'est tiré du comic book de Mike Carey. C'est vraiment très bien aussi. Numéro 8, Bates Motel, la finale, saison 5. T'as pas vu? J'ai jamais écouté Bates Motel. Ben, c'est évidemment issu du... J'étais pas sûr. C'est très l'acteur tordu. Qui fait... Tu sais, que je joue là-dedans. Moi, j'ai encore mon souvenir dans Charlie et la chocolaterie, puis je suis pas sûr. ben, écoute, j'ai eu le même quand j'ai commencé la... Ben, moi, je suis un fan de Hitchcock. Fait que je me suis dit, c'est inspiré du film d'Hitchcock, bien sûr. Je vais donner une chance à la série. J'ai commencé il y a une couple d'années avec la première saison. Puis le personnage de Norman Bates me tombe à chenard, comme ça se peut pas. J'ai trouvé qu'il y avait une face à face dedans. Je trouve encore qu'il y a une face à face dedans. Avec ses grandes oreilles. Là. Oui, puis ses espèces de yeux globuleux, tout le temps sur le bord de pleurer. Là. Un peu comme des méthanes, finalement. Oui, c'est ça. Mais c'était lui, OK. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de flûte là-dedans. Mais finalement, j'ai réussi à passer par-dessus et c'est très tordu comme c'est. Vraiment là, très, très tordu et c'est excellent. Numéro 9, est-ce que tu as vu Narcos? J'ai la saison 1 seulement. Bon, ben, tape-toi la 2 puis la 3. Ah, ils sont rendus à trois saisons? Ouais, la 3, c'est celle-là qui avait débuté le 1er septembre dernier. OK. Production de Netflix, vraiment très bon. Ben là, évidemment, Pablo Escobar, il est mort. Ah, on part avec un autre narcotrafiquant et c'est vraiment excellent, je te le dis. En 10e position, saison 1 de Tabou, avec une création et interprétée par Tom Hardy, l'excellent Tom Hardy. Quel acteur! En fait, c'est été co-écrit avec son père Chips. Ça a débuté en janvier dernier et la saison 2 est confirmée, c'est vraiment très très bon. Numéro 11, une série de 2016, mais je l'ai découvert en 2017, mais j'ai tellement apprécié, The Young Pope. T'as vu ça? Non. Avec Jude Law. Ben, c'est l'histoire de l'ascension du pape Pie XIII, et qui est né Lenny Bellardo. C'est le premier pape italo-américain de l'histoire. Mais c'est quelqu'un de très non conventionnel. Ben, comme, ouais. Je te conseille The Young Pope. Tu vas voir, c'est assez capoté. Numéro 12, The Outsiders, saison 2, production de WGN, qui met en vedette Ryan Hurst. Tu te rappelles probablement de Hoppy dans Sons of Anarchy. Bien sûr. C'est lui. Malheureusement, il n'y aura pas de suite. C'est annulé. Pas de troisième saison, donc ça finit en queue de poisson. C'est-tu plate, ça? C'est vraiment plate. Numéro 13, Stranger Things, la deuxième saison. Vraiment très bonne. J'ai la moitié de la saison d'écouter. On a mis un petit frein à ça. Oui. Ouais, ben tu sais, des fois, quand t'es deux dans un couple... Dans un couple, absolument, t'es deux. D'habitude. Ouais. On a mis ça sur la glace, éventuellement, on m'a continué. Okay. Moi, j'avais bien aimé la première. J'avais ça très original, très différent. Mais la deuxième est vraiment supérieure, selon moi. Et la saison 3 et 4 semblent même confirmées. Numéro 14, House of Cards, numéro 5. Cinquième saison qui était vraiment pas la meilleure. Non, puis d'après moi, ça va être pas mal fini. On continue avec Robin Wright sans Kevin Spacey. OK, ils vont carrément le tasser. Pis... Ils l'ont tassé, c'est fait. On connaît l'histoire médiatisée. Saison 5 était bien, mais moins... moins flamboyante que les autres. Moins flamboyante, effectivement. Mais tout aussi intéressante. Là. On voit vraiment le personnage de Claire qui arrive et qui commence à prendre la place. Un peu. Oui, tout à fait. En 15e position, Ash vs Evil Dead, saison 3. Et ben moi, j'ai écouté les deux premiers épisodes de la saison 1, puis j'ai arrêté. T'as décroché. Ah ben moi, j'étais un fan d'Evil Dead. C'est le genre de choses, tu te casses pas la tête, tu penses à rien, t'écoutes, puis tu regardes l'hémoglobine revoler. Puis ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup aimé. Ben, moi, Bruce Campbell, j'ai toujours aimé le personnage de... Même, en fait, il le sait qu'il est un personnage de série B lui-même. Là. Ah oui. Donc, il se prend pas au sérieux. C'est vraiment cool. C'est easy way, easy go. Numéro 16, The Exorcist, saison 2. T'as vu la première? Non. C'est inspiré du film. Du roman, oui, effectivement. La première saison était vraiment excellente. La deuxième, je l'ai mis en 16e position, est un petit peu moins bonne, est un peu plus lente. Mais elle est fort correcte. Et en 17e position, Legion. J'ai pas écouté encore. Original, j'ai été surpris, je m'attendais à rien, mais j'ai été surpris. Une seule saison, je pense. Hein? Une seule saison, effectivement. C'est une production FX, ça avait débuté le 8 février dernier, et c'est l'histoire de David Heller, le fils schizophrène du professeur Xavier dans X-Men. Oui. Original par moment, je dois le dire. Preacher 2, je l'ai pas vu encore. J'ai pas vu Preacher 1 non plus. Preacher 1, très bon. Très bon. C'est The Good Against the Evil. Original aussi et drôle. Et à surveiller, c'est pour 2018. On ne sait pas encore quelle date, mais c'est la troisième saison de Daredevil. Ça va être vraiment bien. Ben là, ça va tout se suivre. Là, tu vas avoir Daredevil, tu vas avoir Jessica Jones, Luke Cage qui va revenir. Ouais, effectivement, j'ai vraiment hâte. On va poursuivre musicalement. Il est quand même 20h. Ah, on va aller en pub, c'est vrai, j'avoue. Ah, non. Ah, on va aller en pub et puis on revient musicalement avec... Star of Madness. Que je connais pas du tout. Que tu vas connaître d'abord. Aeternum et Bathsheba. Après la pause. Vous êtes assez fou? 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus. C'est fou, 89.1. Ici Bertrand Godin. Quel est votre taux d'alcoolémie après avoir pris un verre? L'Alco-Tube Plus, un alcootest certifié, vous indique si vous dépassez la limite légale. Soufflez pour une bonne cause, votre vie et celle des autres. Disponible à la SAQ et Le Beau Vitre d'Auto. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter.

Well, 20h20. Vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show, accompagné de Sinistro, c'est moi-même, Dr. Pain Pendragon, et c'est la première, première partie de la Retro Undead rétrospective de 2017. On vient d'entendre un choix de Sinistro. En fait, ce sont les deux tiers de Sinistro. Ouais, c'est ça. Vas-y. On a commencé avec Star of Madness, qui était un de tes choix, finalement. Ben, commence donc par celle qu'on vient d'entendre. OK, Bat Sheba. Oui, voilà. Formation épique et bizarre. Que je ne connaissais pas. Que moi, j'adore. C'est vraiment puissant. Ça vient de la Belgique avec une femelle chanteuse. Je m'en doutais un peu. D'accord. Oui, c'était assez doomflyé. Moi, j'ai trippé là-dessus dès les premiers instants. Je dis pas que j'explorerai pas ça. Hein? Je dis pas que je l'explorerai pas. Ah, une exploration... Potentielle. Eh bien, c'est la pièce Ains Off qui est parue sur l'album Servus en 2017, qui était en fait mon choix numéro 24. 24? Oui, 24. 24 sur 300 000, c'est quand même... Sur 300 000, c'est très bon. Oui. Tout juste avant, on a eu la formation de Québec Eternam qui nous sortait son nouvel album Ruins of Vampire. Je dois t'avouer que c'est un groupe qui devient de plus en plus de calibre international, selon moi. Ben, déjà, quand on les avait vus au Metal Fest avec Melekech et compagnie, oui. c'était pas mal égal. Oui, oui, mais oui. Là, avec un album comme Ruins of the Empire, c'est de calibre à la Septic Flèche et compagnie. Là. C'est de calibre de Catelli. C'est ça, Catelli. Oui. Non salé. Je suis pas rendu là encore. Effectivement, avant, nous avions en ouverture de Black Star Madness, formation qui vient de Bavière. Un petit son à la grave, un peu. Hein? Oui, ben ouais, ben c'est du death and roll. Ouais, hein, c'est ça, ils ont tout un peu... Swedish death metal. Ouais, sauf qu'eux autres, ils viennent d'Allemagne. Mais bon, on s'entend que le death and roll a à quelque part un peu pas mal souvent la même consonance. Star Madness, c'était ma 10e position dans les mentions. La pièce étant Yule Hour, qui est tirée de Through Beneath, qui était leur premier album paru le 29 janvier dernier sur l'étiquette Indépendant. Non, il n'a pas réagi, m'écoute pas. Non, c'est correct, j'avais. On a eu un appel de notre ami Jeff Hull. Oui, Jeff Hull qui était ici à Réanimation avant, qui est aussi... des artisans du 3e Metal Fest qui revient cette année. Il me disait que, on va passer le mot, n'est-ce pas, que le 24 mars prochain au Trou du Diable... Es-tu déjà allé au Trou du Diable? Non. C'est vraiment cool, hein? Ben, ouais. Tant mieux. Belle petite salle, ouais. J'espère que ça prend une belle petite salle, parce que c'est ça, ils déménagent toutes les shows à Shawinigan. Ça veut dire qu'à Trois-Rivières, il n'y a plus rien. Ben... Il y a des salles, je ne sais pas si c'est des belles petites salles, par exemple. Amenez ça à Drummondville, il y a plein de belles places. Là. Ben, Drummondville, pourquoi pas? Allons rire. Oui. Donc, le 24 mars prochain au Trou du Diable, c'est Genetic Error en compagnie de Darksider. Darksider, ben, c'est des potes à nous. C'est entre autres Alain Deslauriers et Marc Chevalier qui font Dominique, une musique. Notre ami David Steines. Oui, c'est ça. Étant qu'au batteur, je ne le connais pas. C'est Patrick Béliveau. Ah. Qui jouait justement avec Pierre-Luc, qui est dans Rebirth avec moi. Ah, OK, OK, d'accord. Il joue dans Ancestral Tours et... Ah, OK. Ah, oui. Sons of Set. Ben oui, ben oui. Et les tatoueurs, là. Ben oui, je ne savais pas que c'était lui. OK. C'est lui. Donc, ils seront au Trou du Diable le 24 mars. Bon, ça, on a le temps amplement de s'en reparler. On va poursuivre musicalement. J'ai une pause publicitaire à passer. C'est ça, t'es accroché à ça, des pauses publicitaires. Non, pas moi, à la radio. Ah, OK. Écoute, on va passer la pause puis on revient en ongle. Qu'est-ce que t'en penses? Oui? Non? Oui, moi je vote pour ça. Oui. C'est fou! Vous êtes assez fou! Plus d'informations, visitez cfou.ca 89.1. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Sciences, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. Oui. Fier partenaire de la radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. CIFU 89.1 FM. FM. De retour, 20h26. Dans le prochain bloc, je suis obligé d'admettre que ça va être partagé. Un choix de Sinistros, un de mes choix et un choix commun. Quoi que Power Trip était un de mes choix aussi, mais que je l'ai skippé. Donc, c'est un choix commun. C'est un choix commun. Parfait. Donc, deux choix communs et débutons avec ton choix. Puis, Molation aussi, c'est un choix commun. Oui, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. OK, d'accord. Écoute-moi quand non, moi j'écoute pas, j'ai des écouteurs sur la tête. formation pour enfants. Ah mais oui, pour effectivement. Formation Sunless qui vient des États-Unis, qui joue dans un death metal très technique, mais ô combien très intéressant. On va entendre la pièce Born of Clay qui est parue sur l'album Uraka, qui a fait très bonne impression dans mon top, machin chouette. Ton top 3000? Ouais, mon top 3000 avec une belle note de 9 sur 10. Ah, puis venant de toi, un 9 sur 10, c'est parce que généralement, t'es très avare de tes notes, toi. Ben oui, puis non. En bas du 8, en bas du 8, ça vaut plus la peine. Hey, en bas du 8, ça vaut plus la peine. Non. T'es-tu sérieux? Oui, oui. Ben t'as un problème entre les deux oreilles, t'es deux grandes oreilles, là. J'ai des écouteurs. Oui, c'est ça. Non, le problème entre les deux oreilles, c'est qu'il n'y a rien. C'est ça. Oui, c'est ce que j'entendais, d'ailleurs. D'accord, on va poursuivre aussi avec un choix qui est commun, comme tu as dit, Power Trip, et Immolation, n'est-ce pas? Eh bien, oui, bien, oui, bien, oui. Let's go! 20h42, l'émission tire à sa fin pour cette première présentation de la Retro Undead 2017. On vient d'entendre un choix commun, mon cher Sinistros, en Immolation. Quel album, hein? Ben, moi, ça n'a pas été mon meilleur d'Immolation. Je suis encore ben stické sur Majesty's Decay. Ben, c'est sûr. C'est vraiment le highlight, selon moi. Mais c'est sûr. Mais c'est un groupe que j'ai en très haute estime au niveau du death metal, formation de New York. C'était Destructive Currents, qui est tiré de leur 10e album, Atonement, qui est paru le 24 février dernier sur Nuclear Blast. Je l'ai mis en 4e position de mes mentions, de mes 10 mentions. Juste avant, nous avions encore un choix commun qui était soit en Power Trip, formation du Texas, formation de Trash Metal. Ben, et... l'avantage avec cette band-là, comme moi j'ai trouvé ça meilleur que Municipal Waste et compagnie, c'est que enfin il y a un band qui fait du trash metal, mais qui est pas stické avec le... C'est original. Ben, écoute, oui, je suis d'accord. Je pense qu'on se rejoint bien parce que moi, ce que j'ai aimé de Power Trip, c'est que c'est un band qui, oui, on le sait, toi et moi, le thrash metal, c'est usé à cordes. Oh, ouais, c'est usé à cordes. C'est usé à cordes. Puis les groupes d'aujourd'hui qui essaient de refaire ce qui s'est fait dans les années 80-90, on est un petit peu tannés. Alors que Power Trip n'ont pas l'air de se prendre au sérieux. Ils ont l'air de faire la musique qui leur plaît, point à la ligne, et ça se ressent. Ça rentre au poste. C'est efficace. Ça me rappelle un peu par moments Exodus. Nuclear Assault aussi. Nuclear Assault, effectivement. Bref, Power Trip et leur album Nightmare Logic, leur deuxième paru le 24 février sous étiquette Southern Lord, c'était quelque chose de bien. Et la pièce était Executioner's Tax, Swing the Axe. En ouverture de bloc, c'était un choix de Sinistros. Et oui, formation américaine Sunless avec la pièce Born of Clay qui est sortie sur l'album Uraka, indépendamment finalement. Très bonne formation que j'ai découvert l'année dernière avec cet album-là. Parfait, excellent. Donc, c'est bien. C'est un bon choix, effectivement. On va conclure cette première édition de 2018 sur notre dernier bloc de la soirée qui va être constitué de Sinister. Ouais, mon cousin, finalement. Donc, oui. Il y a d'ailleurs une autre formation que j'ai découvert qui donne dans un doom assez bizarre qui s'appelle Sinistro. Ben, moi, j'ai pas aimé ça. Moi non plus, j'ai pas aimé ça. Non. C'est pas parce qu'il y a le même nom que moi, là, qu'ils ont copié, là. Non. Mais moi, j'aurais dit, enlève un S. Ils t'ont écouté. Moi, écouté. Donc, on va écouter Sinister avec Rite of the Blood Eagle, qui est un choix en commun aussi, qui est tiré de l'album Syncretism, qui est paru le 24 février dernier sur Massacre Records. On va entendre Matt, formation d'Allemagne, de Berlin, Death Metal, c'est ma troisième position. Avec Imhotep, Thai Architect, qui est tiré de Monuments, Will and Steve. C'est leur deuxième paru le 3 mars dernier. Ça paraît pas qu'ils trippent égyptiens du tout. Pas du tout. Non. Un méchant bon ban. Sur Oral Attack, et on va conclure avec un choix de Sinistros, Moon Loop, et la pièce Expired Kings, tirée de Devotion, qui est parue en 2017, bien sûr, sous étiquette Listenable. Est-ce que c'est cette semaine, ou c'est dans, est-ce que tu sais dans quelle émission de Subversion, de notre ami DJ Tower of Death, où tu seras en entrevue? Il me semble qu'il m'a parlé de celle de vendredi, mais je pourrais rien avancer, je suis pas sûr à 100%. D'accord. Il me semble que c'est celle du 19. Donc, n'oubliez pas Subversion, sur Underground Québec ainsi que podcast sur SoundCloud, et je pense que à l'avenir pas Sinistros mais DJ Tower of Death devrait faire des émissions bi-hebdomadaires, donc aux deux semaines. C'est à valider avec lui. Et ce vendredi dès 11h ici même à Rock Classic, le Rock Massa vous présentera sa deuxième partie de du spécial 1968. Moi je serai de retour à Rock Classic le 2 février. D'ici là, bien, Rockmaster saura vous entretenir de ses propos farfelus. C'est un beau mot, farfelu. J'aime ça dire ça, farfelu. Ben, c'est le fun, ça. Et si vous voulez des chroniques de mon propre cru, j'allais le dire, www.hurlemort.com, et à nous quatre, on fait les grands inquisiteurs et on se fait un malin plaisir de vous éduquer. Tout à fait, et de vous massacrer à l'occasion, oui, au passage. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de la Retro Undead. Mardi 19h, Sinistros et moi y serons, à moins qu'il y ait une méchante tempête de neige puis que Sinistros soit pris dans son patin, la ville la plus drôle du Québec. Oui. Mais c'est à suivre, mais théoriquement, Sinistros devrait être là. Et d'ici là, eh bien, allez tous vous faire foutre! See you! Yeah.

cerveau d'un homme mort qui attend de revivre dans un corps que j'ai fait de mes propres mains. Of the earth.